La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On va parler de football, c'est la chronique du football collégial avec un joueur. À chaque semaine, on parle soit d'un joueur des Cougars, soit un joueur également des Gaillards de Jonquière. Cette semaine, on va parler avec William Saint-Pierre, dernière année, un gars de Dolbeau-Mistassini qui joue pour les Gaillards de Jonquière. Salut William! Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Dernière année. Comment tu vois ça? Dernière année, ça veut dire que je pourrais être au top de ma confiance et de ma forme. Fait que je dirais ça que ça devrait être ma dernière année puis ma meilleure. Là. OK. Est-ce que le leadership, parce que c'est certainement qu'on suit sur toi pour enseigner le chemin au plus vieux, là. T'as quand même quoi? Deux bols d'or de gagner une participation ensuite de ça? Ouais, deux bols d'or avec les Lynx en 2015, puis l'année passée avec les Gaillards, là. Okay. De Jonquière. Je te dirais qu'il y a beaucoup de recul, fait que oui, c'est important quand même de montrer l'exemple du leadership pour les autres vont continuer après ça avec le programme, là. Fait que oui, il faut leur montrer justement comment aller chercher des bols d'or en équipe, là. T'as changé de position cette année, tu trouves ça dur? Non, je te dirais que quand même, j'étais demi de coin. Okay. J'ai changé ma rondeur. Sauf que ça reste demi-défensif, puis je comprenais bien déjà le système. Fait que juste en changeant de position comme ça, mais je te dirais que ça n'a pas tant changé ma compréhension du jeu. OK. Ça se comprend très bien, là. Ça reste un peu la même chose. OK. Si on parlait un peu maintenant de l'équipe cette année, encore une fois, beaucoup de bons joueurs, beaucoup de bonnes recrues. Puis est-ce que c'est faible au niveau. Est-ce que tu trouves qu'elle est plus faible cette année? Je te dirais pas, tu parles des autres équipes qui sont plus faibles. Je te dirais pas que c'est plus faible. Je trouve que Jonquière, on a tout le temps des gros standards en frais de victoire puis d'entraînement. Fait qu'on continue sur notre lancée. Je te dirais pas, je peux pas te dire si les autres sont moins forts ou plus forts. Je te dirais juste que nous autres, ce qu'on veut, c'est se battre nous autres tout le temps, là. Parce qu'on sait que, avec le talent qu'on a puis l'équipe qu'on a, on est capable encore de se rendre au bol d'or. C'est juste qu'il ne faut pas s'abaisser aux autres niveaux puis faire de notre meilleur tout le temps. Là. OK. Si on parlait un peu étonné que c'est ta dernière saison, également, c'est vraiment aussi peut-être ta dernière chance que tu vas avoir au bol d'or, de gagner un bol d'or. L'an prochain, t'attends à faire quoi maintenant? Est-ce que tu vas t'impliquer dans le domaine du football? Ouais, même en ce moment, dans le fond, je suis en train de coacher avec l'équipe cadette. Okay. On est au bras du four. Okay. C'est moi, j'ai comme la grippe. Ah ouais, pas trop bien. Ça, l'année prochaine, je vais rentrer. En janvier, en fond, je termine en janvier. Je vais rentrer à l'université à Chicoutimi. Fait que je vais continuer à m'impliquer, c'est sûr, avec les Lynx, allemand. OK. Puis rendu là, on va voir si jamais il y a des débouchés dans l'entraînement. Mais c'est sûr que je vais focusser un peu plus sur mon côté académique là, par la suite. Là. OK. Si on parlait un peu maintenant du côté de Philippe Lavoie, tu as parlé d'université. Philippe Lavoie, c'est ton vieux body. Comment tu trouves ça avec les Carabins? C'est vrai que. Ouais. C'est sûr, il prend ça step après step. C'est sûr que rentrer collégial universitaire, comme il disait, c'est un très gros step. Là. Surtout du côté entraînement, là, puis les sacrifices. Là. Exemple, nous, les Gaillards, l'hiver, on fait une course le matin. Ben, Phil, il faut qu'il se lève chaque matin à 5h pour aller faire ses entraînements et ses courses. Là. Fait que, c'est un gros step sur le côté sacrifice, tout ça, mais il prend ça comme ça vient. Puis, regarde, il y a 48 joueurs habillés pendant un match, puis ils sont 84, je pense. Puis, regarde, il est habillé. Là. Fait que, je trouve que ça va très bien pour lui. Puis, s'il continue comme ça, il va pouvoir performer. Est-ce que tu y as parlé pas mal depuis qu'il joue avec les Carabins? Ouais, je suis allé voir deux de ces matchs-là dernièrement. Là. OK. Fait que oui, on se voit quand même de temps en temps, puis on se parle quand même souvent, là, mais oui, il va très bien là-bas. Là. OK, OK. Dis-moi, dernière année académique aussi, tu t'en vas à quoi? Tu as parlé d'université, tu t'en vas où? Ouais, ben là, je suis en gestion de commerce, puis on va en aller en administration ressources humaines. Là. OK. Est-ce que tu as l'intention de gestion de commerce? As-tu l'intention de prendre la relève de ton père? Ou travailler avec ton père? La relève, ouais, je ne sais pas la relève, mais peut-être bien travailler, j'aimerais ça, c'est sûr. Peut-être bien aller avec messieurs Dumas, sauf que je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va donner. OK. Ben William, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est pas mal le fun de voir, évidemment. Ça fait longtemps qu'on se connaît, nous deux, fait que c'est intéressant encore une fois. Puis félicitations pour ta carrière de joueur de football. Merci beaucoup, Danny. William Saint-Pierre de Dolbeau-Mistassini qui s'aligne avec les Gaillards de Jonquière.